On fait évidemment le tour des espoirs du haut du lac Saint-Jean qui s'en vont vers des camps de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et là maintenant, la semaine passée, on avait parlé avec Jérémy Fortin qui s'en va au camp des Cataractes de Shawinigan. Là maintenant, on va parler avec Jérôme Gravel, un gars qu'on a connu également qui est de Chambord et qui s'en va au camp d'entraînement du Titan d'Acadie Batters. C'est un gros défenseur. Salut Jérôme! Oui, ça va bien, ça va bien. Jérôme, d'abord... Si on revenait un petit peu sur ton été, j'imagine que là, l'année passée, tu avais été repêché, tu as fait un an avec les élites. Là, c'est un camp extrêmement important pour toi. Oui, je pense que je suis rendu à un point assez déterminant dans ma jeune carrière de joueur d'hockey. C'est rendu pendant où il faut que je perde à l'écran. OK. J'imagine le fait que tu es un gros défenseur, un genre de Al Gill un petit peu. Là. Ça va t'aider, hein? Bon, c'est certain que le fait là, d'avoir un bon format, que ça soit à n'importe quel niveau, ça aide au hockey. Là. OK. Sur quoi tu as travaillé cet été? Je parlais avec Jérémy, il a fait beaucoup d'entraînement sur glace. Son entraîneur des élites avait des séances le samedi. Steve Thurio avait des séances sur glace samedi. Est-ce que c'est un petit peu la même affaire que tu as faite? Ouais, ben j'ai participé aux mêmes séances que lui là, les samedis matin. Puis pour ce qui est de l'entraînement en salle, là, par exemple, moi j'avais une contrainte de poids à respecter. Là, il fallait pas que je dépasse un certain poids pour pouvoir garder ma vitesse, mon explosion. Donc c'est ça. C'était du renforcement puis de l'explosion là, que j'ai dû travailler là, sur cette année. Le tir avec Adi Batters, ça dit quoi sur tes chances de faire l'équipe? Est-ce que c'est une équipe défensivement qui a de la misère? Est-ce qu'on a dit que tu avais des bonnes chances de faire l'équipe? Oui, c'est sûr que j'ai eu, dans le fond, moi personnellement, je crois en mes chances. Puis, ce qui est d'alignement, c'est certain qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de place. Ça va être un cas très important. Ça va être des places vont être souvent disputées, mais je crois en mon potentiel. Puis, je vais faire ce qui est dans mon possible là, pour me tailler une place. OK. Niveau physique également, j'imagine que tu as travaillé sur ta charpente aussi pour améliorer ça aussi. Oui, c'est ça. Là, c'est une des raisons de pourquoi là, je suis confiant. Là, j'ai eu une bonne été, très très bonne été. Je suis confiant dans ce que j'ai fait. Puis, j'arrive là-bas et je suis prêt. OK. Le camp d'entraînement débute quand? Ça débute. Ça débute demain là, avec des tests physiques. Puis on embarque sur la glace à partir de. OK. Est-ce que, du côté d'Acadie Batters, est-ce que tu as senti, parce que il y a quelques années, il y avait quand même beaucoup de difficultés, c'était une organisation qui était so-so. Je pense que c'est Sean Couturier, maintenant, qui est le propriétaire de l'équipe. Est-ce que ça a changé pas mal depuis que c'est Sean Couturier qui fait partie de l'organisation? Oui, exactement. Là, il est rendu vraiment une belle dynamique. L'équipe est jeune, puis l'équipe aspire à des bonnes choses là, pour le futur. Il y a plusieurs jeunes joueurs prometteurs, donc c'est certain qu'il y a eu beaucoup de changements là, au sein de l'organisation des éditions de l'équipe. OK. Toi, Jérôme, si jamais il se passe quoi si jamais tu ne fais pas la formation? Est-ce que tu peux revenir avec les élites ou la Ligue de hockey junior 3A? C'est quoi, même le collégial aussi avec Alma? Ben, c'est sûr qu'il y a une possibilité de revenir au junior 3A, par exemple. Si ouais. Je ne crois pas que ce soit la meilleure possibilité pour moi, donc... Je vais regarder ça un peu avec mes proches puis voir ce qui est mieux pour mon développement en tant que mon développement scolaire ainsi qu'au hockey. Là, donc c'est ça, on va voir par la suite. Mais pour l'instant, je me concentre vraiment sur mon objectif de jouer junior l'an prochain. OK. Ben Jérôme, on va te suivre de très très près puis on va se rappeler directement. Excellent. Jérôme Gravel de Chambord. Jérôme,